The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To take. Prendre. Photo. La photo. Ready. Prêt. To wait. Attendre. To do. Faire. Now, a bit faster. To take. Prendre. To do. Faire. To take. Prendre. To wait. Attendre. To do. Faire. To wait. Attendre. Photo. La photo. To take. Prendre. Ready. Prêt. Now, use the words in context. Prendre. I take my time. Je prends mon temps. La photo. He is taking a picture. Il prend une photo. Prêt. I am ready. Je suis prêt. Attendre. Wait a moment. Attendez un instant. Faire. You are doing your homework. Vous faites vos devoirs. Prendre. I take my time. Je prends mon temps. Prêt. I am ready. Je suis prêt. Faire. You are doing your homework. Vous faites vos devoirs.